Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. À quoi sert la philosophie? Est une question souvent posée aux philosophes et par les étudiants en terminale qui découvrent cette discipline. À tel point qu'on oublie de poser la question à partir d'autres disciplines qui ne lui sont pas forcément étrangères. Par exemple, à quoi servent les mathématiques? Leur utilité est-elle seulement pratique, utile pour compter, calculer et inventer, ou bien ont-elles une fonction supérieure, une fonction métaphysique qui nous aiderait à comprendre notre monde et les raisons de notre existence ici-bas? Le philosophe Blaise Pascal a une réponse à cette question que je vous propose de découvrir ce matin après avoir écouté le témoignage que sa sœur Jacqueline nous livre en quelques lignes. Pour Pascal, les mathématiques n'étaient pas un calvaire ni un mystère, mais une récompense. Mon frère priait souvent mon père de lui apprendre la mathématique, mais il le lui refusait en lui proposant cela comme une récompense. Il lui promettait qu'aussitôt qu'il saurait le latin et le grec, il la lui apprendrait. Mon frère, voyant cette résistance, lui demanda un jour ce que c'était que cette science et de quoi on y traitait. Mon père lui dit en général que c'était le moyen de faire des figures justes et de trouver les proportions qu'elles ont entre elles, et en même temps lui défendit d'en parler davantage et d'y penser jamais. Mais cet esprit, qui ne pouvait demeurer dans ses bornes, dès qu'il eut cette simple ouverture, que la mathématique donnait des moyens de faire des figures infailliblement justes, il se mit lui-même à rêver à ses heures de récréation. Et étant seul dans une salle où il avait accoutumé de se divertir, il prenait du charbon et faisait des figures sur des carreaux, cherchant le moyen, par exemple, de faire un cercle parfaitement rond, un triangle dont les côtés et les angles furent choses semblables. Il trouvait tout cela lui seul, et ensuite il cherchait les proportions des figures entre elles. Mais comme le soin de mon père avait été si grand de lui cacher toutes ces choses, il n'en savait même pas les noms. Il fut contraint lui-même de s'en faire. Il appelait un cercle un rond, une ligne une barre, et ainsi des autres. Bonjour Jean-Pierre Clairaut. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes philosophe, professeur émérite de philosophie à l'université de Rouen. Est-ce que pour vous aussi les mathématiques étaient une récompense? Ah, pas toujours. Ça l'est devenu à peu près à partir de la seconde. Peut-être en troisième. J'ai adoré les mathématiques, j'en faisais vraiment pour mon plaisir. Et si je n'avais pas rencontré la philosophie au passage, je crois vraiment que j'aurais fait des mathématiques. Mais les deux ne et sont presque uniquement. Et les deux, bien sûr, ne sont pas incompatibles, loin de là. Même si dans la pratique, peu de philosophes les mènent conjointement. Conjointement. Chez Pascal, c'est très clair. Alors le texte qu'on a entendu est amusant, mais au-delà de l'anecdote, ça montre l'appétit, la curiosité très forte de Pascal. Et qui commence très tôt. Voilà. Puisque, effectivement, très jeune, il commence à faire des mathématiques. Et au fond, il choisit son métier, puisqu'il va dire, effectivement, dans une lettre à Fermat, qui est bien connue, que les mathématiques, c'est une espèce de métier. Tout en disant, d'ailleurs, que ce n'est qu'un métier. Ce n'est que cela. Faut pas en attendre davantage que cela. C'est quelque chose d'extrêmement technique, mais et qui implique une espèce d'artisanat. Mais ce n'est pas véritablement quelque chose qui pourrait, d'une certaine façon, être extrêmement important. Et pourtant, lorsque, par exemple, le chevalier de Méret lui reproche de faire en mathématiques quelque chose qui pourrait permettre de dire quelque chose sur le réel, eh bien, je crois qu'il est assez juste, et c'est vrai que Pascal fait quelque chose de cet ordre. Il y a chez lui l'idée que les mathématiques peuvent dire quelque chose sur le réel. Il y a vraiment, même si Méret le lui reproche, en réalité il y a véritablement chez Pascal quelque chose qui attend des mathématiques, sans doute une méthode, c'est bien, ou un ensemble de méthodes, mais qui permet d'ouvrir quelques clés sur le réel, quelques clés du réel. Iriez-vous jusqu'à dire que c'est pour cette raison que Pascal étudie les mathématiques, pour essayer de comprendre le réel? Ah, je ne sais pas trop, puisqu'il dit lui-même que c'est un simple métier. Il a l'air de rabaisser même un tout petit peu cette façon de faire. Mais ce qui est quand même parfaitement clair, c'est que dans de nombreux textes, il s'appuie sur les mathématiques pour comme étant des schèmes qui le conduisent à tenir un discours sur le réel, enfin en disant des choses réelles. Et qui n'est pas sans lien avec ce qu'il dit dans ses pensées de teneur philosophique avec l'importance de l'infini. On va y venir. Précisons deux choses. D'abord, dites-nous ce qu'il faut entendre par mathématiques ici, puisque Pascal était aussi physicien, géomètre, etc. Vous avez raison. C'est une acception très, très générale. Et au début du XVIIe siècle, au moment où naît Pascal, qu'en est-il de ces mathématiques? Oui, mais elles sont extrêmement générales. On met sous le mot mathématique un savoir qui est extrêmement général. Il va s'affiner, se préciser au cours du XVIIe siècle. Et Pascal est peut-être déjà un tournant. Par exemple, quand il utilise le mot de géométrie, il est obligé lui-même de définir ce qu'il veut dire. Et en disant que, bon, la géométrie, c'est une méthode assez générale, mais en même temps, il y a géométrie quand on raisonne d'une certaine façon sur des objets relativement spécifiques, relativement particuliers. Bon, donc, notamment qui ont trait à l'espace, enfin, qui sont des figures qui, d'une certaine façon, impliquent la notion d'espace. Bon, il faut qu'il y ait quelque chose comme ça pour qu'il y ait géométrie. Mmh. Alors, vous voyez, deux acceptions possibles, une acception très générale de la géométrie, où on raisonne, où on déduit, et puis de l'autre côté, un discours, certes, où l'on déduit, mais sur des questions extrêmement précises. Quoique, on va voir très vite que la géométrie peut porter sur bien d'autres objets que des choses spatiales, puisqu'il y a une géométrie du hasard, par exemple, et il y a une géométrie des relations, essentiellement. Donc, il y a une géométrie aussi qui concerne, par exemple, les binômes. Enfin, on peut traiter d'une certaine façon, dans les carrés magiques, des coefficients, des polynômes dont on développe l'expression. Donc, les mathématiques ont vraiment un très grand éventail de possibilités, mais en même temps, on a l'impression que mathématiques devient quelque chose de plus précis à partir du moment où on entre, disons, avec Descartes, Pascal, justement, Leibniz, dans le XVIIe. Là, il y a vraiment quelque chose d'autre et plus fin. Pascal était aussi un remarquable physicien. Oui. Son œuvre travaille sur des questions de pneumatique, d'hydrostatique. Oui. Et précisons-le, parce qu'on fait beaucoup de Pascal un inventeur. Il a réinventé la machine à calculer, la pascaline, ce qui est vrai. Oui. Reste à savoir ce que ces inventions ont véritablement apporté aux découvertes scientifiques. On y reviendra sans doute. Je pense que ça a vraiment apporté quelque chose d'important. Oui, c'est surtout des machines très particulières et qui méritent vraiment le nom d'invention. Oui. En physique, puisque j'évoquais le domaine physique, parmi la majorité des contemporains de Pascal, on tient le vide pour quelque chose qui n'existe pas. Et c'est lui qui, en 1648, il procède avec son beau-frère Florian Perrier à l'expérience du puits de Dôme permet de prouver l'existence du vide. Oui, oui. Ça, c'est une vraie découverte. Il y a un poids de l'air sur la colonne de Mercure et on la met en évidence d'une certaine façon. Ce qui est important là, c'est qu'il y a un usage des mathématiques très subtil sur la question des pressions. C'est-à-dire que le volume, que ce soit de Mercure ou d'eau, de ce qu'on veut, ou d'air, se presse sur lui-même. C'est-à-dire qu'on le découpe imaginairement en strates, en petites couches, un peu comme on le ferait d'un calcul infinitésimal, et les couches pèsent les unes sur les autres. Il y a donc tout un calcul très très subtil où là véritablement on applique des mathématiques à la réalité physique, au phénomène physique. Donc géométrie, arithmétique, physique. Géométrie, arithmétique. Pas vraiment d'algèbre, c'est ça qui est très étrange, alors que, bien sûr, Descartes se caractérise par l'introduction de l'algèbre, y compris pour résoudre les problèmes de géométrie. Chez Pascal, pas vraiment. Le seul moment où on rencontre des considérations algébriques, c'est peut-être justement dans ces fameux carrés magiques, quand il essaye de trouver les coefficients d'un binôme ou que l'on développe, qu'il soit la puissance 2, 3, 4, etc. Vous avez des carrés qui vous donnent exactement les coefficients de chaque terme du binôme qui a été développé. Alors, donc là, mais effectivement, il n'en a pas besoin directement pour résoudre ses problèmes. Hein. Ne serait-ce que parce que, ben, à l'époque, la cycloïde, enfin la fameuse roulette, n'a pas d'équation. Enfin, on la connaîtra plus tard, si je puis dire. Et il va vers des problèmes qui n'ont pas exactement de solution. Qui pourrait pas avoir de solution chez Descartes. Descartes s'intéresse à la cycloïde, mais il n'en donne pas l'équation, par exemple. Ce sont des courbes qu'il appelle mécaniques, qu'on trace effectivement par des mouvements différents, mais on peut pas véritablement écrire à cette époque l'équation de la cycloïde. Et enfin, ce qui va nous amener à notre sujet, à savoir comment la philosophie de Pascal, sa pensée métaphysique, s'articule avec ses découvertes mathématiques, c'est à lui que l'on doit l'invention du calcul des probabilités. Oui, oui. Alors, il ne s'appelle pas comme ça à l'époque, mais il s'agit véritablement de cela. C'est un calcul très rigoureux sur des objets qui sont incertains. Et Pascal dit lui-même que c'est une géométrie tout à fait étonnante. Le mot « étonnant » lui vient sous la plume. Et de fait, j'espère que nous aurons l'occasion de regarder pourquoi c'est étonnant. Il y a véritablement quelque chose de très très étrange chez Pascal. Au fond, c'est la première fois dans la correspondance avec Fermat que un mathématicien donne des résultats qui vont être conservés par l'histoire concernant le calcul d'espérance ou le calcul de probabilité. Avant, il y avait bien eu des essais. Ils étaient quand même tous, d'une certaine façon, incertains. Ils ne donnaient pas vraiment de résultats. Et du moins, ils n'ont pas été retenus par l'histoire. Les résultats sont retenus par l'histoire. Les résultats que Pascal donne, la démarche qu'il donne, va être retenue par l'histoire. Y compris, enfin, puisqu'on a souvent dit que c'était lié à un certain contexte économique, etc., y compris lorsque, par exemple, les soviétiques vont s'emparer de la question des probabilités, eh bien, Kolmogorov ne changera rien à ça, il acceptera très très bien les façons de faire de Pascal, les méthodes pascaliennes. Alors soyons plus précis peut-être sur le calcul des probabilités, puisque ça nous amène au prochain texte. Comment s'y prend-il ? Il prend l'exemple d'un jeu, deux joueurs qui sont en train de jouer, qui doivent chacun miser une somme, et le jeu s'arrête avant la fin de la partie. Exactement. Comment c'est répartir les sommes restantes ? Voilà. Autrement dit, comment résoudre un problème qui aurait dû être résolu uniquement par le fait que la règle du jeu aurait pu s'appliquer ? Là, elle ne s'applique pas. Elle ne s'applique pas puisque le jeu ne va pas à son terme. Et il faut essayer de regarder ce qui se passe lorsque on veut être juste. Chacun a mis la même somme, un jeu de hasard, et personne n'est plus possesseur de la somme qu'il a mise en jeu. Il serait complètement injuste que, en ayant des parties de retard, je demande à l'autre exactement la même somme. Ce serait exactement comme si on n'avait pas joué. Bon, or, il faut respecter cette règle du jeu. Mais pour respecter cette règle du jeu, qui, elle, n'a pas prévu qu'on arrête le jeu à un certain moment, eh bien, il faut faire une sorte de contrat. Il faut faire un contrat que le gagnant va imposer quasiment au perdant. Il y a un dialogue très très étrange, puisque c'est rare quand même que les démonstrations en mathématiques aient lieu sous la forme d'un dialogue, ou alors c'est vraiment une sorte de rhétorique comme on peut en voir chez Galilée. Mais là, c'est pas du tout de la rhétorique qu'on a besoin d'un dialogue pour résoudre la question. C'est-à-dire que celui qui est en train de gagner va dire à l'autre exactement combien il lui doit en appliquant un raisonnement. Et c'est vraiment le gagnant qui fait le discours au perdant dont on suppose qu'il acquiesce. Mais c'est étrange de voir ces mathématiques se jouer dans un dialogue. Ce n'est pas encore une fois une manière rhétorique de résoudre la question. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Bien sûr, une fois que on a obtenu les résultats de cette façon, on peut les exposer de manière plus abstraite, mais on ne part pas de l'abstraction. On part plutôt d'un dialogue où l'un impose à l'autre sa loi, puisque, encore une fois, la règle du jeu n'a pas pu aller jusqu'au terme. Et l'idée étant d'appliquer, d'introduire, d'arrêter de la certitude dans ce qui est tout à fait incertain, ou même la définition même de l'incertitude, et ça c'est toute la philosophie de Pascal. C'est ça, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on trace dans la situation d'incertitude, on fait une espèce d'arbre qui permet de regarder toutes les situations possibles, d'une certaine façon, et on essaye, au fond, de représenter l'ensemble du jeu par des étapes. Et à chaque étape, on est en train de se demander ce qui se passerait si le jeu s'arrêtait. Les gens qui jouent ordinairement comptent aller jusqu'au bout et ne s'aperçoivent pas de cette espèce de mouvance, de processus, d'étape. Mais Pascal, au fond, va le restituer. Sous le jeu, vous avez, qui va normalement à sa règle, vous avez une loi qui est en train de s'établir et que Pascal, donc, va écrire d'une certaine façon. Dans la mouvance du jeu, on peut écrire la loi, en quelque sorte, de ces diverses étapes. Ce qui est une métaphore de l'existence humaine. Alors, pourquoi vivons-nous sous fond d'incertitude? Eh bien, parce que l'univers dans lequel nous sommes nés est incommensurable. L'homme est infiniment éloigné de cet univers. Oui. C'est ce que Pascal nomme la disproportion de l'homme. Je vous propose qu'on écoute le texte qui porte ce nom, Disproportion de l'homme. C'est un des plus beaux des pensées de Pascal. Il est extrêmement riche. Il est sans fin, j'ai envie de dire, en termes d'interprétation. Et vous nous direz en quel sens la pensée de Pascal qui s'exprime dans ce texte permet de comprendre le geste mathématique qu'est le sien. Qu'est-ce qu'un homme ? Dans l'infini, qu'il recherche dans ce qu'il connaît les choses les plus délicates, qu'un ciron lui offre dans la petitesse de son corps des parties incomparablement plus petites, des jambes avec des jointures, des veines dans ses jambes, du sang dans ses veines, des humeurs dans ce sang, des gouttes dans ses humeurs, des vapeurs dans ses gouttes, que divisant encore cette dernière chose, il épuise ses forces en ses conceptions, et que le dernier objet où il peut arriver soit maintenant celui de notre discours. Il pensera peut-être que c'est là l'extrême petitesse de la nature. Je veux lui faire voir là-dedans un abîme nouveau. Je lui veux peindre non seulement l'univers visible, mais l'immensité qu'on peut concevoir de la nature dans l'enceinte de ce raccourci d'atomes, qu'il y voit une infinité d'univers dont chacun a son firmament, ses planètes, sa terre, en la même proportion que le monde visible, dans cette terre des animaux, et enfin des cirons dans lesquels il retrouvera ce que les premiers ont donné, et trouvant encore dans les autres la même chose, sans fin et sans repos, qu'il se perd dans ces merveilles aussi étonnantes dans leur petitesse que les autres par leur étendue. Car qui n'admirera que notre corps, qui tantôt n'était pas perceptible dans l'univers, imperceptible lui-même dans le sein de tout, soit à présent un colosse, un monde, ou plutôt un tout à l'égard du néant où l'on ne peut arriver? Qui se considérera de la sorte, s'effraiera de soi-même, et se considérant soutenu dans la masse que la nature lui a donnée entre ces deux abîmes, de l'infini et du néant, il tremblera dans la vue de ces merveilles, et je crois que sa curiosité, se changeant en admiration, il sera plus disposé à les contempler en silence qu'à les rechercher avec présomption. Proportion de l'homme sur France Culture, les chemins de la philosophie, c'est le titre d'une pensée de Blaise Pascal dont nous parlons cette semaine aujourd'hui en compagnie du philosophe Jean-Pierre Clairaut. Cette disproportion plonge l'homme dans un abîme entre le néant et le tout. Il ne sait pas où il se trouve, ce qui fait que celui-ci ne peut pas déchiffrer le monde dans lequel il est parce qu'il ne sait pas où il se trouve. Voilà, incertitude, absence de localisation précise. Il ne sait pas sa place. Et quand il pense en avoir une qui serait fixe, c'est vraiment par manque d'imagination, d'une certaine façon, parce que de fait, on ne peut pas exactement fixer où est notre place. Alors c'est un texte très intéressant qu'on vient de lire, enfin d'abord très beau, et extrêmement anti-aristotélicien, parce que Aristote avait essayé de dire, d'une certaine façon, que il y avait sans doute une immensité du monde, mais le monde n'était pas infini, il n'y a pas d'infiniment grand. De même, du côté de la petitesse, il n'y a pas d'infinie petitesse chez Aristote, c'est-à-dire qu'il y a bien du continu, la matière est continue, mais il n'y a pas, on ne peut pas, sinon par la pensée, dissoudre ce monde, le diviser, mais il faut bien se garder de projeter ce que l'imagination peut découper sur le monde même. Or, chez Pascal, on voit que c'est quelque chose d'un petit peu différent. On a l'impression que l'imagination de l'infiniment petit et de l'infiniment grand a tout de même une résonance dans les choses mêmes, que les choses sont peut-être ainsi, d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'immensité de grandeur et de petitesse n'est pas seulement d'imagination, elle rencontre un vis-à-vis, elle rencontre un écho dans le réel même. Et Pascal dit bien que l'imagination s'épuisera de fantasmer de la grandeur et de la petitesse, et bien le monde, lui, en fournira encore réellement. Je cite le texte, l'imagination se lassera plutôt de concevoir que la nature de fournir. C'est-à-dire que la nature est constituée de ces deux infinis, si je veux dire. Elle va véritablement dans ces deux infinis. Et l'imagination, eh bien, est en quelque sorte dépassée. Alors, il faut faire très attention, parce qu'il y a d'autres textes chez Pascal où on s'aperçoit que l'imagination, loin d'être dépassée, est capable de fantasmer une sorte de nature qui n'est pas véritablement sous les yeux, qui n'est pas sous nos sens. On peut, par exemple, avoir besoin d'une quatrième dimension pour traiter de problèmes. Or, cette quatrième dimension, elle n'est pas réelle, elle est purement fictive. Donc, on aperçoit à certains moments que l'imagination peut aller, en quelque sorte, plus loin que ce qui semble nous être donné. Et plus loin que la raison, Pascal se méfie beaucoup de l'imagination. Et il se méfie de l'imagination, il s'en sert quand même massivement, exactement comme chez Descartes. Vous avez aussi une défiance de l'imagination, mais en même temps, l'entendement ne peut pas exister sans cette imagination. Alors, ce qui me semble très très important dans cette affaire, c'est la question du milieu, d'une certaine façon. Nous sommes au milieu de deux infinis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être au milieu? Et alors, il y a énormément de fragments des pensées qui expliquent cette pensée du milieu, ou même, par exemple, notre connaissance est bornée. On est au milieu, on peut pas aller complètement du côté des principes, et on peut pas aller complètement du côté de tout ce qu'on pourrait dévider à partir de ces principes. Et de même, au niveau de l'espace ou au niveau du temps, ma durée, c'est au maximum 100 ans, ça peut pas être 1000 ans. Donc on est constamment au milieu. Et alors, la pensée du milieu change là aussi radicalement par rapport à ce qui pouvait se passer chez Aristote. Parce qu'on pourrait se dire, mais chez Aristote aussi, il y a du milieu. Par exemple, la vertu est entre deux excès. Enfin, on a constamment un peu cette idée qu'il faut essayer de trouver le milieu entre deux excès. C'est la médiété chez Aristote. La médiété chez Aristote. On la trouve effectivement constamment aussi. Mais chez Pascal, et c'est là où on rejoint les mathématiques, c'est que le milieu va être une espèce de méthode. C'est quelque chose qui est pensé. Il est constamment en train de résoudre des problèmes qui ont affaire à cette notion de milieu. Par exemple, on va essayer de trouver le centre de gravité de la cycloïde ou de figures qui sont tournées à partir de cette cycloïde. On va peser en quelque sorte cette cycloïde et on va faire en sorte d'une certaine façon de lui trouver une espèce de centre. Et alors on voit très bien comment il produit ce résultat. C'est que il divise à l'infini effectivement les surfaces à partir d'un confin et à partir de l'autre, et on a l'impression que à partir de ces confins on essaye de faire des rapports qui désignent le milieu. On trouve un milieu entre des surfaces, parfois la même, qu'on a compté dans un sens et dans l'autre, et au fait c'est un certain rapport qui va donner le milieu. Donc on voit le milieu, c'est pas quelque chose qui est seulement métaphorique, c'est véritablement quelque chose que le mathématicien peut en quelque sorte définir. Mais précisons, Jean-Pierre Clairaut, qu'il y a un paradoxe à parler du milieu entre deux infinis, puisque l'infini, par définition, n'a pas de limite, n'a pas de bord. Donc on ne peut pas établir un milieu de ce qui n'a pas de fin. Il y a un paradoxe, oui, bien sûr. Mais par exemple, en mathématiques, les choses peuvent être un tout petit peu plus fixé, si j'ose dire, un petit peu plus déterminé. Si je calcule le centre de gravité d'une figure quelconque, elle a ses limites. Je vais obtenir le milieu, assez paradoxalement, en divisant à l'infini cette surface ou ce volume, et je vais pouvoir obtenir, dans un sens et dans l'autre, de quoi faire un rapport qui me donnera effectivement quelque chose qui est comme un milieu. Autrement dit, le milieu a un sens rationnel, il a un sens opératoire, il a un sens méthodique. C'est un rapport, vous dites. C'est un rapport, c'est quelque chose comme un rapport. Alors, souvent, les démonstrations de Pascal sont d'une beauté tout à fait extraordinaire. On a les problèmes sur le centre de gravité de la cycloïde, c'est véritablement comme une ouverture de rideau. On va ouvrir quasiment un rideau qui va nous donner, qui va balancer, qui va peser vraiment cette cycloïde en l'enserrant entre deux infinis qu'on rapporte l'un à l'autre et qui donne le milieu. Autrement dit, le milieu est opératoire. Hein, c'est une opération et ce n'est pas quelque chose qu'on subit entre deux infinis. Alors, est-ce que, bien sûr, le problème, c'est est-ce qu'on va pouvoir généraliser ce point-là? Est-ce que on va pouvoir, au fond, se servir des mathématiques pour résoudre des problèmes qui seraient des problèmes métaphysiques? Certainement pas. Mais ça donne tout de même un cheminement, ça donne un axe, ça donne une certaine allure à cette notion de milieu. Et alors, elle est partout, hein, chez Pascal, quand il dit lire trop vite ou lire trop lentement, bon, on comprend pas dans les deux cas. Exclure la raison, n'admettre que la raison. Oui, il y a ce balancement, il y a toujours ce balancement la plume de Pascal. Où vous avez constamment cette idée d'un excès à l'autre, et il y a quand même quelque chose qui existe au milieu, et ce milieu, ce n'est pas rien, on peut, d'une certaine manière, le penser relativement rationnellement. Hein. Mais il est vrai que, même en théologie, hein, je veux dire, c'est pas seulement vrai dans les questions métaphysiques et dans les questions mathématiques, mais il y a cette idée, par exemple, que Jésus-Christ est le centre de tout. Hein, c'est lui qui va donner une explication, si j'ose dire, de ce qui peut, de toutes nos incertitudes morales. Hein. Et quand il dit, par exemple, « Ne craignez point pourvu que vous craigniez, mais si vous ne craignez pas, craignez. » Hein, c'est-à-dire que vous avez, effectivement, une espèce de balancement qui va d'un côté à l'autre, et puis on revient de l'autre côté, et cet entrebalancement, si je veux dire, vous désigne une espèce de milieu. Alors, ça, c'est vraiment une méthode qu'on retrouve aussi bien quand il fait des sciences que lorsqu'il travaille partout ailleurs, hein, d'une certaine manière que ce soit, donc sur les questions métaphysiques ou dans les questions religieuses. Sans aller jusqu'à dire que les mathématiques lui sont d'un certain secours pour les questions métaphysiques, vous avez dit en début d'émission que pour lui, que pour Pascal, les mathématiques étaient d'abord un métier, une occupation, non pas une fin en soi. Non. Dans quelle mesure les calculs, les découvertes, les inventions qu'il procède dans le milieu mathématique lui permettent de dire quelque chose sur le monde, sans forcément parler de portée métaphysique? Il écrit quand même à un siècle, au XVIIe siècle, où l'on tient les mathématiques comme étant le type de langage dans lequel le monde est écrit. C'est Galilée, hein, qui dit que le monde est écrit en langage mathématique. Oui, bien sûr. Oui. Souscrit-il à cette thèse? Oh, certainement, oui. Mais pour lui, je pense que ce sont quand même essentiellement des méthodes. C'est une mise en jeu de méthodes. Et pas seulement d'une méthode, mais de plusieurs méthodes. Ce qui est très étrange quand on lit Pascal, quel que soit le problème qu'il aborde, c'est de le voir toujours, au fond, articuler des méthodes. Chez Descartes, on a toujours l'impression que la méthode est relativement une, qu'il n'y a pas des méthodes. Alors que chez Pascal, quel que soit le problème qu'il aborde, il est obligé d'articuler effectivement diverses méthodes. Et pas seulement d'ailleurs en mathématiques même, mais on verra cela tout à l'heure, peut-être avec la machine arithmétique, c'est aussi lié à diverses façons d'articuler des méthodes. Et au fond, c'est cela que on pourrait appeler le milieu. Il s'agit de saisir par le jugement comment articuler ces diverses façons d'accéder au réel. Enfin, comment fabriquer quelque chose qui puisse avoir une résistance alors que, d'une certaine manière, les choses semblent aller vers la fuite, aller vers une sorte de déliquescence liée à ce double infini. Au fond, il s'agit toujours de ramasser, à partir des confins, quelque chose qu'il faut toujours essayer de recentrer. Cette idée, c'est essayer de recentrer là où pourtant tout tend vers une espèce de naufrage, une espèce de désastre. On peut travailler là-dessus, essayer de faire quelque chose avec ça. C'est d'ailleurs curieux, je disais il n'y a pas très longtemps, des textes de Paul Valéry, sur Pascal confronté à la figure de Léonard de Vinci, et il les oppose de manière assez violente en disant Léonard de Vinci c'est le type même de l'ingénieur, Pascal le type même de l'esprit métaphysique qui ne s'occupe pas du tout de faire des choses ingénieuses. C'est tout à fait faux et injuste. C'est exactement l'inverse, parce qu'il se sert véritablement de la fabrication même des mathématiques, qu'il prend encore une fois pour une sorte de technique, pour résoudre des problèmes qui, effectivement, ne pourraient pas être résolus directement, puisque on va, il y a une sorte de délitement infini qui rend cette solution directement impossible. Il est étonnant de voir que c'est le penseur pour lequel l'homme tient le moins de place, avec Descartes et ses contemporains. Vraiment, Pascal montre bien que l'homme n'est pas grand-chose. Il fait très peu de cas de la raison, c'est le moins qu'on puisse dire, qui va essayer quand même de recentrer l'homme en sa position. C'est pas dans la raison, le cœur nous conduit directement à Dieu, mais il n'arrive pas vraiment à assigner une place à l'homme qu'il peine à définir. Et pourtant, c'est ce mouvement qui l'anime. C'est ce mouvement qui l'anime, oui. Donc c'est, en fait, ça n'est qu'un mouvement, vous n'avez plus jamais qu'un but. Une thèse qui serait chez Pascal sans son antithèse. Vous dites qu'il est effectivement plutôt hostile à la raison de manière générale, mais ce n'est pas toujours vrai. Une religion qui serait sans raison, ce serait absurde. Non, ce serait une religion pas qui serait hostile, tout non. à fait... C'est impossible. On ne peut pas imaginer ça. Donc, il y a toujours un mouvement et le mouvement contraire. Et l'idée, c'est que ces espèces d'antinomies doivent pouvoir toujours se résoudre. Parce que c'est le mouvement qui compte. Parce que c'est le mouvement qui compte. Plus que le centre de la destination. Alors ça aussi, c'est une des grandes différences avec l'aristotélisme qui cherche effectivement quelque chose qui se fixe. Il faut trouver de l'immobile. Chez Pascal, c'est impossible. Il n'y a pas d'immobile. Il y a même dans le mouvement, du mouvement, etc. Ce qui, aux yeux d'Aristote, est complètement impossible. Il n'y a pas de mouvement du mouvement. Ça n'a aucun sens de dire ça. Chez Pascal, oui, c'est plein de sens. Il n'y a même que cela à traiter, hein, au fond. Comment rendre compte de ce mouvement? C'est une question que Pascal se pose et qu'il se pose à la suite ou en même temps que Galilée, qui bien lui-même sûr. Essaye de voir comment un mouvement peut être tracé ou représenté de manière matérielle. On va écouter un texte, je vous laisse nous le présenter, Jean-Pierre Clairaut. Le texte de Galilée, c'est le texte du dialogue sur les deux grands systèmes du monde. Dans ce dialogue, il se trouve qu'il date de 1632, c'est important, la condamnation de Galilée va être très directement liée à ce texte-là. Il fait dialoguer ensemble trois personnages. Il y a le personnage de Sagredo, il y a le personnage de Salviati et il y a le personnage de Simplicio. Et Salviati, c'est plutôt le partisan de Galilée. Sagredo, c'est un homme de bon sens qui va accorder d'ailleurs une grande place aux idées de Galilée. Et Simplicio, c'est plutôt l'aristotélicien, mais finalement qui se laisse faire quand véritablement la raison est du côté de Sagredo et de Salviati. Texte donc extrêmement important parce que, encore une fois, la condamnation de Galilée est là et Pascal va prendre parti explicitement pour Galilée et contre le pape, et contre les jésuites par la même occasion, puisque ce sont les jésuites qui auraient obtenu le sort très tragique de Galilée. Voici donc le texte. La question de départ est simple. Imaginons un navire qui va de Venise à Alexandrie. Comment représenter la trajectoire du bateau qui va de Venise à Alexandrie? Un trait ou bien plusieurs taches impressionnistes? Écoutez. Sacredo. Supposons que la pointe d'une plume à écrire placée à l'intérieur du navire, tout au long de la traversée qui m'emportait de Venise à Alexandrie, ait pu laisser un signe visible de la totalité de son voyage. Quelle trace? Quelle marque? Quelle ligne aurait-elle laissé? Simplicio. Elle aurait laissé comme trace une ligne qui serait allée de Venise jusque là-bas. Cette ligne ne serait pas parfaitement droite, ou pour mieux dire, elle ne formerait pas un parfait arc de cercle. Ce serait plutôt une ligne, tantôt plus, tantôt moins ondulante, suivant les balancements plus ou moins importants du vaisseau, mais ces inflexions d'une ou deux coudées en certains endroits, à droite ou à gauche, vers le haut ou vers le bas, sur une longueur de plusieurs centaines de milles, n'auraient que peu modifié l'allure générale du tracé de cette ligne. Il serait à peine sensible. On ne se tromperait guère en disant que cette ligne est une partie d'un arc parfait. Sacredo. Si donc un peintre avait commencé en quittant le port à dessiner avec cette plume sur un papier et continué de le faire jusqu'à Alexandrie, il aurait pu tracer à la plume toute une histoire, avec beaucoup de figures au contour parfait et hachurées en mille et mille directions, avec des villages, des édifices, des animaux et toutes sortes d'autres choses. Et pourtant, tout le mouvement véritable, réel et essentiel de la plume n'aurait été qu'une ligne très longue, mais toute simple. Le peintre, lui, pour ce qui est de son opération propre, aurait tracé exactement les mêmes lignes que si le navire était resté immobile. Texte de Galilée sur France Culture, les chemins de la philosophie, lu par Nicole Garcia, le dialogue entre Sagredo et Simplicio que vous avez présenté, hein, Jean-Pierre Clairaut. Oui. On voit bien les deux attitudes différentes, celle du peintre et celle du géomètre. Il y en a qu'un. L'un d'entre eux seulement peut retracer le mouvement, ce que nous dit Galilée. Oui, mais ce qui se passe d'intéressant, c'est l'espèce d'équivalence qui existe entre ce trait qui ondule simplement légèrement de Venise à Alep, Alexandrie, ouais. Pardon, voilà. Et puis avec le tableau, avec la ligne du tableau, hein, c'est-à-dire on peut l'étendre comme un trait qui oscille simplement, qui fait des toutes petites oscillations et qui en gros est un arc de cercle assez bref, assez court. Ou alors est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est le portrait que l'on voit? Les deux sont relativement équivalents. Tout dépend de la situation de l'observateur. Si je suis à l'extérieur du bateau et que je regarde strictement ce qui se passe au niveau de la plume, de la pointe de la plume, je pourrais ne voir d'une certaine façon du mouvement de cette plume que cette ligne, cet arc de cercle décrit par le bateau. Ou alors, si je suis à l'intérieur du bateau, cet arc de cercle devient un portrait ou un paysage, enfin je ne sais quoi exactement. Bon. Donc, vous avez une espèce d'équivalence des deux. Et Galilée va encore plus loin, puisqu'il fait dire à son personnage qu'on pourrait écrire aussi, on pourrait écrire quelque chose, et cet écrit aurait exactement le même sort. Et on pourrait aller plus loin encore et se dire, mais il pourrait écrire quasiment les lois du mouvement. Et d'une certaine façon, ces lois du mouvement elles-mêmes pourraient à nouveau devenir relatives. Vous avez donc un mouvement qui est constamment lié à l'idée de relativité, de relativisme. Jamais on ne pourra arrêter ce mouvement-là, sauf en donnant la règle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, encore une fois, de donner la règle de quelque chose qui serait fixe. On ne va pas pouvoir fixer ces mouvements, c'est impossible. Mais ces ensembles de mouvements qui s'encapsulent, on pourrait dire, les uns dans les autres, qui se contiennent les uns des autres, eh bien, peuvent avoir une règle que le géomètre, que le mathématicien, que le physicien peuvent tenter de donner. Donc, au fond, l'idée, c'est d'essayer de, non pas exactement de vaincre la relativité, ça on ne peut pas, hein, la relativité, elle est radicale, hein, et elle est vraie, il n'y a rien à faire, c'est ce qui justifie le scepticisme. Hein, mais on peut, d'une certaine manière, donner la loi de ces changements, faire en sorte que ces changements sont tels qu'on peut passer de l'un à l'autre d'une manière explicative. On peut s'expliquer, d'une certaine façon, les changements. Et c'est cette explication des changements qui fait qu'il y a une sorte de règle et d'arrêt par le fait qu'on puisse dire, quelque chose sur ces mouvements réciproque, si j'ose dire, de mouvement. Alors, toutes les pensées vont un peu dans ce sens-là. On a constamment l'idée un petit peu d'une espèce d'encapsulage des raisons des effets. Hein. Par exemple, par l'espace, l'univers me comprend, par la pensée, je le comprends. Hein. C'est-à-dire que vous avez donc un jeu d'enveloppement réciproque qui est constamment figuré par Pascal. Et ça peut aller d'ailleurs parfois avec un certain humour tout à fait extraordinaire quand il parle par exemple de certaines passions comme la vanité. Il va dire, j'ai le texte sous les yeux, « La vanité est si bien ancrée dans le cœur de l'homme qu'un soldat, un goujat, un valet de soldat ou de maçon, un cuisinier, un crocheteur se vante et peut avoir des admirateurs. Et les philosophes qui eux parlent justement de cette gloire, les philosophes mêmes en veulent. Et ceux qui écrivent contre la gloire veulent avoir la gloire d'avoir bien écrit. Et ceux qui le lisent veulent avoir la gloire de l'avoir lu. Et moi qui écris ceci, et peut-être cette envie, et peut-être que ceux qui le liront avec des points de suspension. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on a cette espèce chaque mouvement peut être encore l'objet d'un autre mouvement et encore l'objet d'un autre mouvement. Et constamment, on a cela. Alors, ça peut se traduire effectivement par des mathématiques ou de la physique. Ça a un sens aussi très directement en morale. Puisque l'idée pascalienne, c'est bien celle-ci, on la voit d'ailleurs constamment s'affirmer, c'est est-ce qu'il y a un centre, est-ce qu'il y a un centre pour la morale, est-ce qu'on pourra prendre un port pour la morale? C'est-à-dire que le point sur lequel Pascal attire l'attention, c'est qu'il n'y a pas de raison que la relativité galiléenne n'ait aucun rôle à jouer en dehors de la physique, et par exemple en morale. Quel port faut-il prendre pour juger la morale? C'est-à-dire, concrètement, comment est-ce qu'on applique Galilée à la morale? Il faut avoir des repères. C'est-à-dire que si vous avez des attitudes qui sont extrêmement diverses, comment les apprécier les unes par rapport aux autres? Comment pouvoir dire que telle attitude est meilleure que telle autre, il faut d'une certaine façon avoir des repères pour essayer de les juger. Mais dans l'idée, le cas du mouvement, on peut établir une règle. Dans le cas de la morale, c'est plus difficile. C'est plus difficile, voilà. Et effectivement, il ne s'agit pas de dire qu'on y arrive, mais on voit qu'il pose le problème moral à peu près dans les mêmes termes qu'il pose la question du mouvement en physique ou en mathématiques. Alors, a-t-il une réponse rationnelle? Là, cette fois, il faut dire non. D'une certaine façon, il n'y a pas moyen. Il se tourne vers toutes sortes de philosophies, le stoïcisme, le scepticisme, l'épicurisme, et qui sont à peu près les trois grandes philosophies. Mais aucune ne donne véritablement une réponse. Et c'est en méditant cette impossibilité des philosophies de donner une réponse que on va se tourner vers le christianisme qui peut-être donnera effectivement une réponse plus efficace. Mais le problème est quand même constamment posé dans l'idée qu'il faut essayer de trouver un port, comme il dit, pour la morale. Comment juger la morale? Comment arrêter cette fuite qui est extrêmement dangereuse et presque inévitable? Au fond, le divertissement, c'est ça. C'est l'impossibilité de se fixer à un point de vue. Il suffit que le point de vue change, et il changera toujours. Il y a toujours un point de vue pour changer le point de vue que j'ai maintenant. Et comment se repérer dans cette espèce de fuite éperdue de point de vue? Et l'idée de faire une morale, de faire une éthique, c'est bien d'essayer de régler cela. Et le règlement ne va pas consister à arrêter les choses, c'est impossible, l'arrêt c'est la mort. Mais essayer de trouver des règles qui puissent s'accommoder de ce mouvement, qui puissent donner des traces d'une certaine façon correctes à ce mouvement. Et pourtant, à la différence de Descartes, Pascal ne propose aucune morale, même provisoire. Non. Descartes sait bien l'importance des règles, y compris des règles de l'esprit, des règles géométriques, mais aussi des règles de l'agir. Et il a proposé une morale provisoire à celui qui erre au milieu d'une forêt. Il propose d'aller tout droit le plus longtemps possible pour ne pas se perdre davantage. Il sait bien que c'est provisoire, mais il veut s'y tenir. Il dit que finalement, en morale, on n'avance jamais que par décision provisoire. Pascal n'accède pas à ce statut provisoire. Il n'y a pas l'équivalent en morale des probabilités ou de certaines règles du mouvement qui peuvent s'appliquer et qui peuvent faire fi d'un certain relativisme. Oui, vous avez raison. C'est une difficulté pascalienne, je crois. Parce que dans Les Provinciales, effectivement, il met en cause une morale, la morale des jésuites, qu'il accuse de faire trop de place à la notion même de probabilité. Donc, la notion de probabilité a quelque chose que l'on peut essayer de régler. Mais on voit qu'il y a une espèce de disparité, là-dessus vous avez sans doute raison, une disparité entre sa façon de traiter la notion de probabilité quand il s'agit de la prendre mathématiquement et la façon de traiter la probabilité quand il s'agit de problèmes théologiques ou de problèmes métaphysiques. Il est vrai qu'il y a là peut-être une espèce de disjonction qu'on trouve pas chez Descartes parce qu'il n'y a pas, la notion de probabilité n'est pas très forte chez Descartes, c'est pas une notion très importante. Il en est évidemment question, par exemple, dans la traduction des messages, les messages par lesquels j'essaye de traduire les phénomènes naturels. Mais il en est question donc à la fin de son texte sur la physique, mais il n'y a pas de traduction là-dessus, de traduction morale. Enfin, il n'en fait rien, effectivement, en morale. Et là, vous avez raison, il y a une manière de se donner une morale de manière fixe. Alors que chez Pascal, les choses ne peuvent pas se faire philosophiquement, ça ne peut se résoudre qu'au niveau religieux. Et il n'y a véritablement d'éthique correcte que là. Les philosophies ne peuvent pas résoudre les problèmes éthiques. Pourquoi tient-il la géométrie pour la science par excellence ? Parce qu'elle est rigoureuse, je crois. Parce qu'elle est rigoureuse, parce que c'est à peu près la seule science qui permette d'avoir cet art du milieu, de s'occuper de ce milieu, d'en dire quelque chose, et de s'occuper aussi des situations qui sont relativement floues, qu'on ne peut pas véritablement régler immédiatement. Et la géométrie peut construire des arbres, peut fabriquer d'une certaine façon l'équivalent de quelque chose qui, à partir de quoi on va pouvoir s'accrocher pour constituer des actes qui peuvent avoir une prise sur le réel. Et pourtant, nous dit Pascal, dans le texte qui va suivre, cette méthode serait belle, mais elle est absolument impossible. Je veux faire entendre ce que c'est que démonstration par l'exemple de celle de géométrie, qui est presque la seule des sciences humaines qui en produisent d'infaillibles. Parce qu'elle seule observe la véritable méthode, au lieu que toutes les autres sont par une nécessité naturelle dans quelque sorte de confusion que les seuls géomètres savent extrêmement reconnaître. Cette véritable méthode qui formerait les démonstrations dans la plus haute excellence, s'il était possible d'y arriver, consisterait en deux choses principales. L'une, de n'employer aucun terme dont on eût auparavant expliqué nettement le sens. L'autre, de n'avancer jamais aucune proposition qu'on ne démontra par des vérités déjà connues. C'est-à-dire, en un mot, à définir tous les termes et à prouver toutes les propositions. Certainement, cette méthode serait belle, mais est absolument impossible. Car il est évident que les premiers termes qu'on voudrait définir en supposeraient de précédents pour servir à leur explication. Et que de même, les premières propositions qu'on voudrait prouver en supposeraient d'autres qui les précédassent. Et ainsi, il est clair qu'on n'arriverait jamais aux premières. Pourquoi cette méthode est-elle absolument impossible, Jean-Pierre Clairon ? Elle est impossible. Il y a une impossibilité des définitions, une impossibilité des axiomes. Impossibilité des définitions qui n'aillent pas à l'infini. Si vous vous servez de termes pour définir d'autres termes, ces termes même pourraient d'une certaine façon mériter une définition. Et on irait de définition en définition dans le sens d'un infini qui ne, par définition, ne pourrait pas se fermer, ne pourrait pas s'arrêter. On ne peut le faire que artificiellement, en se donnant des définitions de manière très, très stricte. Pascal dit d'ailleurs que les définitions ne sont guère que nominales. On donne un mot et on essaye d'arrêter les choses. Mais si j'essaye de définir ce que c'est que le temps, je vais dire des choses folles, des choses qui sont complètement impossibles à accepter. Si j'essaye de définir ce que c'est que l'espace, je vais dire des choses qui n'ont aucune, qui vont me faire aller de notion en notion sans qu'on puisse véritablement arrêter ce mouvement. Et alors que, au fond, on s'entend peut-être suffisamment sur ce que c'est que l'espace et suffisamment sur ce que c'est que le temps. Donc c'est peut-être pas la peine d'aller trop loin. C'est étrange comme discours. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, c'est là où intervient le cœur chez Pascal. Le cœur m'assure, d'une certaine façon, du fait qu'on sache ce que c'est que l'espace, ce que c'est que le nombre, ce que c'est que le temps, et on n'aurait pas besoin de le définir. Mais on s'aperçoit très vite que le mouvement même des mathématiques, ça va être justement de pousser en direction du symbolique, c'est-à-dire d'aller bien plus loin que ce cœur qui prétend savoir les choses, et d'essayer de dire, de donner des propriétés à certains objets que le cœur ne pourrait pas envisager. On le voit très bien, par exemple, Pascal lui-même, on en parlait il y a quelques instants en commençant l'émission, il admet d'une certaine façon qu'on puisse se servir de quatre dimensions, tout en sachant par le cœur que l'espace n'a que trois dimensions. Le cœur sait, dit-il, que le cœur a trois dimensions. C'est dommage. Que l'espace, pardon, a trois dimensions. C'est dommage, parce que là, d'une certaine manière, on peut-être rate-t-on un moment où on aurait pu avoir une géométrie d'emblée qui se donne quelque chose comme 4 dimensions ou n dimensions. Mais dans quelle mesure est-ce pour des raisons propres à la géométrie que Pascal pointe l'impossibilité de cette science parfaite ? Est-ce que ce n'est pas aussi chez lui le refus de se substituer à Dieu et d'atteindre à la cause première, l'origine première, la définition première ? Est-ce qu'il n'y a pas une humilité à laquelle il se doit en tant qu'être peut-être humain ? Peut-être bien, oui, certainement cette dimension-là, ça c'est tout à fait vrai. Il y a, je crois, quand même un fait, une espèce de fait de raison. Je ne peux pas aller très loin dans mes définitions. Il faut bien que j'arrête à un certain moment, sinon mon discours ne partirait pas. Même chose côté axiome. C'est-à-dire que, au fond, les définitions, c'est pas très grave, parce que là, ce ne sont que des définitions nominales que nous avons en mathématiques ou dans les sciences. Mais quand il s'agit, par exemple, d'axiomes, là, il s'agit normalement de poser quelque chose comme de l'être. On dit quelque chose sur les choses. Ce sont des propositions qui prétendent dire quelque chose. Mais même chose, là, c'est-à-dire que on s'aperçoit que très vite, un axiome mériterait qu'on le fonde, qu'on l'explique et qu'on ne regarde pas les choses que dans le sens de la déduction. Il faudrait se demander mais pourquoi on prend cette proposition comme étant fondamentale et pas une proposition qui serait peut-être plus fondamentale, etc. Mais on voit immédiatement qu'on irait vers l'infini. Donc il faut geler les choses à un certain moment, il faut accepter d'une certaine façon, de manière un peu assez humble, effectivement, qu'on ne peut pas aller tellement plus loin. Si on le faisait, on décomposerait littéralement la géométrie, on ne pourrait pas véritablement la faire. Cet axiome s'applique à cette émission, vous savez, Jean-Pierre. Et oui. Il nous faut geler les choses, nous ne pourrons pas aller plus loin sous de peur que cette émission se décompose. Un grand merci à vous d'être venu nous parler du Pascal mathématicien. Aujourd'hui, je renvoie c'est moi qui vous remercie. Les auditeurs à vos ouvrages que nous mettrons en ligne sur le site des Chemins de la philosophie. On se quitte en mathématiques avec Mosdef. Yo, check it, one for Charlie Hustle, two for Steady Rock, three for the fourth, come alive, future shot. It's five dimensions, six senses, seven firmaments of heaven to hell, 8 million stories to tell, 9 planets faithfully keep an orbit with the probable tenth, the universe expands length, the body of my text possess extra strength, power lifted powerless, up out of this towering inferno, my ink so hot it burned through the journal, I'm blacker than midnight on Broadway and Myrtle, hip hop past all your tall social hurdles like the nationwide projects, prison industry complex, working class poor, better keep your alarm set, streets too loud to ever hear freedom ring, say it back in with your sleep, it's dangerous to dream, but your chain cats get they chipped, you dead now, killing fields need blood to graze the cash cow, it's a numbers game but shit don't add up somehow, like I got 16 to 32 bars to rock it, but only 15% of profits, ever seen my pockets like 69 billion in the last 20 years spent on national defense, but folks still live in fear like nearly half of America's largest cities is one quarter black, that's why they gave Ricky Ross all the crap, 16 ounces to a pound, 20 more to a key, a 5 minute sentence hearing and you're no longer free, 40% of Americans own a cell phone so they can hear everything that you say when you ain't home, I guess Michael Jackson was right, you are not alone, rock your hard hat black as you in the terror dome, full of hard niggas, large niggas, dice tumblers, young teens in prison greens facing life numbers, crack mothers, crack babies and AIDS patients, young bloods can't spell but they can rock you a PlayStation, Snoop Mav is with my motherfucker's ass, you wanna know how to rhyme, you better learn how to add, it's mathematics. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver comme tous les jours le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. Comme tous les jours, vous nous parlez d'un livre ou d'un sujet qui vous tient à cœur. Quel est le sujet ou le livre qui a retenu votre attention aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre, La stratégie de l'émotion d'Anne-Cécile Robert, paru la semaine dernière aux éditions Luxe. L'avant-propos est signé par l'immense Éric Dupont-Moretti, qui prévient d'emblée, je cite, « Ne sortez pas vos mouchoirs, dans ces pages, les larmes sont sèches. Elles ont été distillées par une analyse approfondie, documentée et toujours judicieusement illustrée du tsunami compassionnel qui emporte tout sur son passage, aujourd'hui, et nous interdit de penser, et surtout, de penser juste. » L'avocat pénaliste, surnommé dans les prétoires « Aquitador », sait de quoi il parle. Je vous laisse réécouter son altercation avec Nicolas Demeurant le 3 novembre 2017 sur France Inter, alors qu'il défendait la mère de Mohamed Merah, le terroriste islamiste franco-algérien qui a perpétré les tueries de mars 2012 à Toulouse et à Montauban. J'ai pu dire à un moment, après 3 heures d'interrogatoire de la mère Merah, dont on savait qu'elle avait menti, mais copieusement menti, j'ai dit à un moment, mais elle a aussi un fils qui est mort. Enfin, 3 heures pour elle, 20 minutes pour Squarcini. Il y a quand même un petit problème. Il y a un moment, j'ai dit, mais enfin, elle a quand même perdu un fils. L'autre est en tôle, et la fille est partie. Vous trouvez pas ça obscène, de le dire comme ça? Pourquoi, c'est pas une mère? Devant les familles de victimes. Le chagrin des victimes ne peut pas être confiscatoire. Une mère, voyez-vous, même si elle met au monde un enfant qui est le dernier des derniers, peut avoir de la peine. Ce qui est obscène, c'est de dénier à cette femme le fait qu'elle soit une mère. Le chagrin des victimes ne peut pas être confiscatoire. Voilà qui mérite réflexion et qui dénote face au règne désormais permanent de l'émotion. Règne qui nous empêche de nous livrer à la contrainte douloureuse de la réflexion et de la pensée. C'est là tout l'objet de l'ouvrage d'Anne-Cécile Robert. En finir avec l'omniprésence du lacrymal et de l'indignation. Il n'est évidemment pas question pour l'auteur de faire un procès de l'émotion en soi, mais plutôt de montrer comment son rôle grandissant dans nos sociétés a fini par parasiter non seulement le débat démocratique, mais aussi la décision politique. En invoquant la philosophe Catherine Kinsler, qui s'inquiète, selon ses propres mots, de la dictature avilissante de l'affectivité, Anne-Cécile Robert propose une analyse passionnante du sentimentalisme ambiant, dans lequel elle lit un désarmement de la volonté et même un renoncement de l'homme avec un grand H à lui-même. Je vous préviens tout de suite, la lecture est dérangeante, puisque l'auteur s'en prend à tous les pensifs de l'époque. En puisant dans tous les événements récents ayant défrayé la chronique, elle montre avec force comment la compassion pour les victimes a fini par faire loi, au point d'occuper tout l'espace, de clore tous les questionnements et de s'ériger en barrière devant la réflexion. Parmi les exemples les plus récents, Anne-Cécile Robert décortique la folie médiatique autour de l'assassinat de la joggeuse Alexia Daval et la découverte, au bout d'un mois d'enquête, que le meurtrier était en fait le veuf éploré qui a écumé les radios et les télévisions en clamant qu'il fallait absolument retrouver le coupable. Que le meurtrier se dissimule dans la foule et participe aux recherches du corps, cela n'est pas nouveau. Ce qu'il est, en revanche, c'est l'emballement émotionnel relayé par les médias et qui semble exclure toute hypothèse décalée. La grille lacrymale est manichéenne, souligne l'auteur. Elle mène à des erreurs d'appréciation grossières où la faculté de juger est absorbée par la tristesse, la compassion et la colère. On ne tente plus de comprendre le mal, ni remonter à sa racine pour le combattre. On ne fait que communier dans la douleur qu'il inflige. En témoigne la prolifération des marches blanches et l'engouement pour les causes humanitaires qui ne portent aucun désir de changement, aucune revendication politique et qui n'existent que pour soutenir les victimes. La raison, le combat politique, le bon fonctionnement de la justice, tous sont engloutis dans les larmes devenues le seul baromètre acceptable par tous. Or, pour l'auteur, il ne s'agit pas là d'un épiphénomène, mais plutôt d'un renversement inédit de nos valeurs. La victime est le nouvel héros de notre époque. Pendant des siècles, notre civilisation a glorifié des héros qui choisissaient librement leur destin. Elle se contente maintenant de célébrer des victimes qui le subissent. Sortir du tout émotionnel, réinventer des héros, reprendre en main notre destin individuel et collectif par les voies balisées de la raison, voilà un défi politique ambitieux et c'est celui que propose Anne-Cécile Robert dans son excellent ouvrage « La stratégie de l'émotion » paru aux éditions Luxe. Merci Anastasia pour ce sujet qui est en effet passionnant. On se référera à la lecture du livre qu'on mettra en ligne sur le site du journal de la philo. On pourra également réécouter votre chronique. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la philosophie qui m'a aidé à préparer cette émission. Isis Jourda, Marie Simon, Colomba Grossi, Sharon Houry, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Anthony Thomasson qui est à la prise de son. Aujourd'hui, Nicole Gassia à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série sur le philosophe Blaise Pascal. Demain, ce sera le professeur de littérature française du XVIIe siècle, Laurent Thirouin, qui viendra vous proposer, figurez-vous, le portrait d'un homme joyeux, mais oui, Pascal serait joyeux, c'est Laurent Thirouin qui l'affirme. Eh bien, on vous le prouvera demain de 10h à 11h. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter toutes les émissions en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster, afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez, et les garder pour une durée illimitée. Rendez-vous également sur les réseaux